Deuxième partie, livre deuxième, suite. Une lettre de M. Ballanche, datée du 30 Fructidor, m'annonça l'arrivée de Mme de Beaumont, venue du Mont-d'Or à Lyon et se rendant en Italie. Il me mandait que le malheur que je redoutais n'était point à craindre et que la santé de la malade paraissait s'améliorer. Mme de Beaumont, parvenue à Milan, y rencontra M. Bertin, que des affaires y avaient appelé. Il eut la complaisance de se charger de la pauvre voyageuse et il la conduisit à Florence, où j'étais allé l'attendre. Je fus terrifié à sa vue. Elle n'avait plus que la force de sourire. Après quelques jours de repos, nous nous mîmes en route pour Rome, cheminant au pas pour éviter les cahots. Mme de Beaumont recevait partout des soins empressés. Un attrait vous intéressait à cette aimable femme, si délaissée et si souffrante. Dans les auberges, les servantes même se laissaient prendre à cette douce commisération. Ce que je sentais peut se deviner. On a conduit des amis à la tombe, mais ils étaient muets, et un reste d'espérance inexplicable ne venait pas rendre votre douleur plus poignante. Je ne voyais plus le beau pays que nous traversions. J'avais pris le chemin de Pérouse. Que m'importait l'Italie? J'en trouvais encore le climat trop rude, et si le vent soufflait un peu, les brises me semblaient des tempêtes. À Terni, Mme de Beaumont parla d'aller voir la cascade. Ayant fait un effort pour s'appuyer sur mon bras, elle se rassit et me dit « Il faut laisser tomber les flots ». J'avais loué pour elle, à Rome, une maison solitaire, près de la place d'Espagne, sous le mont Pincio. Il y avait un petit jardin, avec des orangers en espalier, et une cour plantée d'un figuier. J'y déposai la mourante. J'avais eu beaucoup de peine à me procurer cette retraite, car il y a un préjugé à Rome contre les maladies de poitrine, regardées comme contagieuses. À cette époque de la renaissance de l'ordre social, on recherchait ce qui avait appartenu à l'ancienne monarchie. Le pape envoya savoir des nouvelles de la fille de M. de Montmorin. Le cardinal Consalvi et les membres du Sacré Collège imitèrent sa sainteté. Le cardinal Fesch lui-même donna à Mme de Beaumont, jusqu'à sa mort, des marques de déférence et de respect que je n'aurais pas attendu de lui et qui m'ont fait oublier les misérables divisions des premiers temps de mon séjour à Rome. J'avais écrit à M. Joubert les inquiétudes dont j'étais tourmenté avant l'arrivée de Mme de Beaumont. « Notre amie m'écrit du Mont d'Or, lui disais-je, des lettres qui me brisent l'âme. Elle dit qu'elle sent qu'il n'y a plus d'huile dans la lampe. Elle parle des derniers battements de son cœur. Pourquoi l'a-t-on laissée seule dans ce voyage? Pourquoi ne lui avez-vous point écrit? Que deviendrons-nous si nous la perdons? Qui nous consolera d'elle? Nous ne sentons le prix de nos amis qu'au moment où nous sommes menacés de les perdre. Nous sommes même assez insensés, quand tout va bien, pour croire que nous pouvons impunément nous éloigner d'eux. Le ciel nous en punit, il nous les enlève, et nous sommes épouvantés de la solitude qu'il laisse autour de nous. Pardonnez, mon cher Joubert, je me sens aujourd'hui mon cœur de 20 ans. Cette Italie m'a rajeuni. J'aime tout ce qui m'est cher avec la même force que dans mes premières années. Le chagrin est mon élément. Je ne me retrouve que quand je suis malheureux. Mes amis sont à présent d'une espèce si rare que la seule crainte de me les voir ravir glace mon sang. Souffrez mes lamentations. Je suis sûr que vous êtes aussi malheureux que moi. Écrivez-moi, écrivez aussi à cette autre infortunée de Bretagne. » Madame de Beaumont se trouva d'abord un peu soulagée. La malade elle-même recommençait à croire à sa vie. J'avais la satisfaction de penser que, du moins, Madame de Beaumont ne me quitterait plus. Je comptais la conduire à Naples, au printemps, et de là envoyer ma démission au ministre des Affaires étrangères. M. d'Agincourt, ce véritable philosophe, vint voir le léger oiseau de passage qui s'était arrêté à Rome avant de se rendre à la terre inconnue. M. Boguet, déjà le doyen de nos peintres, se présenta. Ses renforts d'espérance soutinrent la malade et la bercèrent d'une illusion qu'au fond de l'âme elle n'avait plus. Des lettres cruelles à lire m'arrivaient de tous côtés, m'exprimant des craintes et des espérances. Le 4 octobre, Lucille m'écrivait de Rennes. « J'avais commencé l'autre jour une lettre pour toi. Je viens de la chercher inutilement. Je t'y parlais de Madame de Beaumont et je me plaignais de son silence à mon égard. Mon ami, quelle triste et étrange vie je mène depuis quelques mois. Aussi ces paroles du prophète me reviennent sans cesse à l'esprit. Le Seigneur vous couronnera de maux et vous jettera comme une balle. Mais laissons mes peines et parlons de tes inquiétudes. Je ne puis me les persuader fondées. Je vois toujours Madame de Beaumont pleine de vie et de jeunesse et presque immatérielle. Rien de funeste ne peut à son sujet me tomber dans le cœur. Le ciel, qui connaît nos sentiments pour elle, nous la conservera sans doute. Mon ami, nous ne la perdrons point. Il me semble que j'en ai au-dedans de moi la certitude. Je me plais à penser que, lorsque tu recevras cette lettre, tes soucis seront dissipés. Dis-lui de ma part tout le véritable et tendre intérêt que je prends à elle. Dis-lui que son souvenir est pour moi une des plus belles choses de ce monde. Tiens ta promesse et ne manque pas de m'en donner le plus possible des nouvelles. Mon Dieu, quel long espace de temps il va s'écouler avant que je ne reçoive une réponse à cette lettre. Que l'éloignement est quelque chose de cruel. D'où vient que tu me parles de ton retour en France? Tu cherches à me flatter, tu me trompes? Au milieu de toutes mes peines, il s'élève en moi une douce pensée, celle de ton amitié, celle que je suis dans ton souvenir, telle qu'il a plu à Dieu de me former. Mon ami, je ne regarde plus sur la terre de sûr asile pour moi que ton cœur. Je suis étrangère et inconnue pour tout le reste. Adieu, mon pauvre frère, te reverrai-je? Cette idée ne s'offre pas à moi d'une manière bien distincte. Si tu me revois, je crains que tu ne me retrouves qu'entièrement insensé. Adieu, toi à qui je dois tant. Adieu, félicité sans mélange. Au souvenir de mes beaux jours, ne pouvez-vous donc éclairer un peu maintenant mes tristes heures? Je ne suis pas de ceux qui épuisent toute leur douleur dans l'instant de la séparation. Chaque jour ajoute au chagrin que je ressens de ton absence, et serais-tu 100 ans à Rome que tu ne viendrais pas à bout de ce chagrin. Pour me faire illusion sur ton éloignement, il ne se passe pas de jour où je ne lise quelques feuilles de ton ouvrage. Je fais tous mes efforts pour croire t'entendre. L'amitié que j'ai pour toi est bien naturelle. Dès notre enfance, tu as été mon défenseur et mon ami. Jamais tu ne m'as coûté une larme, et jamais tu n'as fait un ami sans qu'il soit devenu le mien. Mon aimable frère, le ciel, qui se plaît à jouer de toutes mes autres félicités, veut que je trouve mon bonheur tout en toi, que je me confie à ton cœur. Donne-moi vite des nouvelles de Madame de Beaumont. Adresse-moi tes lettres chez Mademoiselle Lamotte, quoique je ne sache pas quel espace de temps j'y pourrais rester. Depuis notre dernière séparation, je suis toujours à l'égard de ma demeure comme un sable mouvant qui me manque sous les pieds. Il est bien vrai que pour quiconque ne me connaît pas, je dois paraître inexplicable. Cependant, je ne varie que de forme, car le fond reste constamment le même. La voix du cygne qui s'apprêtait à mourir fut transmise par moi au cygne mourant. J'étais l'écho de ses ineffables et derniers concerts. Une autre lettre, bien différente de celle-ci, mais écrite par une femme dont le rôle a été extraordinaire, Madame de Krudener, montre l'empire que Madame de Beaumont, sans aucune force de beauté, de renommée, de puissance ou de richesse, exerçait sur les esprits. Paris, 24 novembre 1803. J'ai appris avant-hier par M. Michaud, qui est revenu de Lyon, que Madame de Beaumont était à Rome et qu'elle était très malade. Voilà ce qu'il m'a dit. J'en ai été profondément affligée. Mes nerfs s'en sont ressentis, et j'ai beaucoup pensé à cette femme charmante que je ne connaissais pas depuis longtemps, mais que j'aimais véritablement. Que de fois j'ai désiré pour elle du bonheur, que de fois j'ai souhaité qu'elle pût franchir les Alpes et trouver sous le ciel de l'Italie les douces et profondes émotions que j'y ai ressenties moi-même. Hélas, n'aurait-elle atteint ce pays si ravissant que pour n'y connaître que les douleurs et pour y être exposée à des dangers que je redoute ? Je ne saurais vous exprimer combien cette idée m'afflige. Pardon si j'en ai été si absorbée que je ne vous ai pas encore parlé de vous-même, mon cher Chateaubriand. Vous devez connaître mon sincère attachement pour vous, et en vous montrant l'intérêt si vrai que m'inspire Madame de Beaumont, c'est vous toucher plus que je n'eusse pu le faire en m'occupant de vous. J'ai devant mes yeux ce triste spectacle. J'ai le secret de la douleur. Et mon âme s'arrête toujours avec déchirement devant ces âmes auxquelles la nature donna la puissance de souffrir plus que les autres. J'espérais que Madame de Beaumont jouirait du privilège qu'elle reçut d'être plus heureuse. J'espérais qu'elle retrouverait un peu de santé avec le soleil d'Italie et le bonheur de votre présence. Ah, rassurez-moi, parlez-moi, dites-lui que je l'aime sincèrement, que je fais des vœux pour elle. A-t-elle eu ma lettre écrite en réponse à la sienne à Clermont ? Adressez votre réponse à Michaud. Je ne vous demande qu'un mot, car je sais, mon cher Chateaubriand, combien vous êtes sensible et combien vous souffrez. Je la croyais mieux. Je ne lui ai pas écrit. J'étais accablée d'affaires, mais je pensais au bonheur qu'elle aurait de vous revoir et je savais le concevoir. Parlez-moi un peu de votre santé. Croyez à mon amitié, à l'intérêt que je vous ai voué à jamais et ne m'oubliez pas. B. Krutner. Le mieux que l'air de Rome avait fait éprouver à Madame de Beaumont ne dura pas. Les signes d'une destruction immédiate disparurent, il est vrai, mais il semble que le dernier moment s'arrête toujours pour nous tromper. J'avais essayé 2 ou 3 fois une promenade en voiture avec la malade. Je m'efforçais de la distraire en lui faisant remarquer la campagne et le ciel. Elle ne prenait plus goût à rien. Un jour, je la menai au Colisée. C'était un de ces jours d'octobre tels qu'on en voit qu'à Rome. Elle parvint à descendre et alla s'asseoir sur une pierre en face d'un des autels placés au pourtour de l'édifice. Elle leva les yeux. Elle les promena lentement sur ces portiques morts eux-mêmes depuis tant d'années et qui avaient vu tant mourir. Les ruines étaient décorées de ronces et d'encolis safranées par l'automne et noyées dans la lumière. La femme expirante abaissa ensuite de gradins en gradins jusqu'à la reine ses regards qui quittaient le soleil. Elle les arrêta sur la croix de l'autel et me dit « Allons, j'ai froid ». Je la reconduisis chez elle. Elle se coucha et ne se releva plus. Je m'étais mise en rapport avec le comte de la Luzerne. Je lui envoyais de Rome par chaque courrier le bulletin de la santé de sa belle-sœur. Lorsqu'il avait été chargé par Louis XVI d'une mission diplomatique à Londres, il avait emmené mon frère avec lui. André Chénier faisait partie de cette ambassade. Les médecins que j'avais assemblés de nouveau après l'essai de la promenade me déclarèrent qu'un miracle seul pouvait sauver Madame de Beaumont. Elle était frappée de l'idée qu'elle ne passerait pas le 2 novembre, jour des morts. Puis elle se rappela qu'un de ses parents, je ne sais lequel, avait péri le 4 novembre. Je lui disais que son imagination était troublée, qu'elle reconnaîtrait la fausseté de ses frayeurs. Elle me répondait pour me consoler « Oh oui, j'irai plus loin ». Elle aperçut quelques larmes que je cherchais à lui dérober. Elle me tendit la main et me dit « Vous êtes un enfant, est-ce que vous ne vous y attendiez pas ?» La veille de sa fin, jeudi 3 novembre, elle parut plus tranquille. Elle me parla d'arrangements de fortune et me dit, à propos de son testament, que tout était fini, mais que tout était à faire, et qu'elle aurait désiré seulement avoir 2 heures pour s'occuper de cela. Le soir, le médecin m'avertit qu'il se croyait obligé de prévenir la malade, qu'il était temps de songer à mettre ordre à sa conscience. J'eus un moment de faiblesse. La crainte de précipiter par l'appareil de la mort le peu d'instants que Madame de Beaumont avait encore à vivre m'accabla. Je m'emportai contre le médecin, puis je le suppliai d'attendre au moins jusqu'au lendemain. Ma nuit fut cruelle avec le secret que j'avais dans le sein. La malade ne me permit pas de la passer dans sa chambre. Je demeurai en dehors, tremblant à tous les bruits que j'entendais. Quand on entr'ouvrait la porte, j'apercevais la clarté débile d'une veilleuse qui s'éteignait. Le vendredi 4 novembre, j'entrai, suivi du médecin. Madame de Beaumont s'aperçut de mon trouble. Elle me dit « Pourquoi êtes-vous comme cela ? J'ai passé une bonne nuit. » Le médecin affecta alors de me dire tout haut qu'il désirait m'entretenir dans la chambre voisine. Je sortis. Quand je rentrai, je ne savais plus si j'existais. Madame de Beaumont me demanda ce que me voulait le médecin. Je me jetai au bord de son lit en fondant en larmes. Elle fut un moment sans parler, me regarda et me dit d'une voix ferme, comme si elle eût voulu me donner de la force. Je ne croyais pas que c'eût été tout à fait aussi prompt. Allons, il faut bien vous dire adieu. Appelez l'abbé de Bonnevie. L'abbé de Bonnevie, s'étant fait donner des pouvoirs, se rendit chez Madame de Beaumont. Elle lui déclara qu'elle avait toujours eu dans le cœur un profond sentiment de religion, mais que les malheurs inouïs dont elle avait été frappée pendant la Révolution l'avaient fait douter quelque temps de la justice de la Providence, qu'elle était prête à reconnaître ses erreurs et à se recommander à la miséricorde éternelle, qu'elle espérait toutefois que les maux qu'elle avait soufferts dans ce monde-ci abrégeraient son expiation dans l'autre. Elle me fit signe de me retirer et resta seule avec son confesseur. Je le vis revenir 1 heure après, essuyant ses yeux, et disant qu'il n'avait jamais entendu un plus beau langage, ni vu un pareil héroïsme. On envoya chercher le curé pour administrer les sacrements. Je retournai auprès de Madame de Beaumont. En m'apercevant, elle me dit « Eh bien, êtes-vous content de moi ?» Elle s'attendrit sur ce qu'elle daignait appeler mes bontés pour elle. Oh, si j'avais pu, dans ce moment, racheter un seul de ces jours par le sacrifice de tous les miens, avec quelle joie je l'aurais fait. Les autres amis de Madame de Beaumont, qui n'assistaient pas à ce spectacle, n'avaient du moins qu'une fois à pleurer. Debout, au chevet de ce lit de douleur, d'où l'homme entend sonner son heure suprême, chaque sourire de la malade me rendait la vie et me la faisait perdre en s'effaçant. Une idée déplorable vint me bouleverser. Je m'aperçus que Madame de Beaumont ne s'était doutée qu'à son dernier soupir de l'attachement véritable que j'avais pour elle. Elle ne cessait d'en marquer sa surprise, et elle semblait mourir désespérée et ravie. Elle avait cru qu'elle m'était à charge, et elle avait désiré s'en aller pour me débarrasser d'elle. Le curé arriva à 11 heures, la chambre se remplit de cette foule de curieuses et d'indifférents qu'on ne peut empêcher de suivre le prêtre à Rome. Madame de Beaumont vit la formidable solennité sans le moindre signe de frayeur. Nous nous mîmes à genoux, et la malade reçut à la fois la communion et l'extrême onction. Quand tout le monde se fut retiré, elle me fit asseoir au bord de son lit et me parla pendant une demi-heure de mes affaires et de mes intentions avec la plus grande élévation d'esprit et l'amitié la plus touchante. Elle m'engagea surtout à vivre auprès de Madame de Chateaubriand et de Monsieur Joubert. Mais Monsieur Joubert devait-il vivre ? Elle me pria d'ouvrir la fenêtre parce qu'elle se sentait oppressée. Un rayon de soleil vint éclairer son lit et sembla la réjouir. Elle me rappela alors des projets de retraite à la campagne, dont nous nous étions quelquefois entretenus, et elle se mit à pleurer. Entre 2 et 3 heures de l'après-midi, Madame de Beaumont demanda à changer de lit à Madame Saint-Germain, vieille femme de chambre espagnole, qui la servait avec une affection digne d'une aussi bonne maîtresse. Le médecin s'y opposa, dans la crainte que Madame de Beaumont n'expirât pendant le transport. Alors, elle me dit qu'elle sentait l'approche de l'agonie. Tout à coup, elle rejeta sa couverture, me tendit une main, serra la mienne avec contraction. Ses yeux s'égarèrent. De la main qui lui restait libre, elle faisait des signes à quelqu'un qu'elle voyait au pied de son lit. Puis, reportant cette main sur sa poitrine, elle disait « C'est là !» Consternée, je lui demandais si elle me reconnaissait. L'ébauche d'un sourire parut au milieu de son égarement. Elle me fit une légère affirmation de tête. Sa parole n'était déjà plus de ce monde. Les convulsions ne durèrent que quelques minutes. Nous la soutenions dans nos bras, moi, le médecin et la garde. Une de mes mains se trouvait appuyée sur son cœur qui touchait à ses légers ossements. Il palpitait avec rapidité, comme une montre qui dévide sa chaîne brisée. Oh, moment d'horreur et d'effroi, je le sentis s'arrêter. Nous inclinâmes sur son oreiller, la femme arrivée au repos. Elle pencha la tête. Quelques boucles de ses cheveux déroulés tombaient sur son front. Ses yeux étaient fermés, la nuit éternelle était descendue. Le médecin présenta un miroir et une lumière à la bouche de l'étrangère. Le miroir ne fut point terni du souffle de la vie, et la lumière resta immobile. Tout était fini. Ordinairement, ceux qui pleurent peuvent jouir en paix de leurs larmes. D'autres se chargent de veiller aux derniers soins de la religion. Comme représentant pour la France le cardinal ministre absent alors, comme le seul ami de la fille de Monsieur de Montmorin et responsable envers sa famille, je fus obligé de présider à tout. Il me fallut désigner le lieu de la sépulture, m'occuper de la profondeur et de la largeur de la fosse, faire délivrer le linceul et donner au menuisier les dimensions du cercueil. 2 religieux veillèrent auprès de ce cercueil qui devait être porté à Saint-Louis des Français. Un de ses pères était d'Auvergne et né à Montmorin même. Madame de Beaumont avait désiré qu'on l'ensevelît dans une pièce d'étoffe que son frère Auguste, seul échappé à l'échafaud, lui avait envoyée de l'île de France. Cette étoffe n'était point à Rome. On n'en trouva qu'un morceau qu'elle portait partout. Madame Saint-Germain attacha cette zone autour du corps avec une cornaline qui renfermait des cheveux de Monsieur de Montmorin. Les ecclésiastiques français étaient convoqués. La princesse Borghèse prêta le char funèbre de sa famille. Le cardinal Fesch avait laissé l'ordre, en cas d'un accident trop prévu, d'envoyer sa livrée et ses voitures. Le samedi 5 novembre, à 7 heures du soir, à la lueur des torches et au milieu d'une grande foule, passa Madame de Beaumont par le chemin où nous passons tous. Le dimanche 6 novembre, la messe de l'enterrement fut célébrée. Les funérailles eussent été moins françaises à Paris qu'elles ne le furent à Rome. Cette architecture religieuse qui porte dans ses ornements les armes et les inscriptions de notre ancienne patrie, ces tombeaux où sont inscrits les noms de quelques-unes des races les plus historiques de nos annales, cette église sous la protection d'un grand saint, d'un grand roi et d'un grand homme, tout cela ne consolait pas, mais honorait le malheur. Je désirais que le dernier rejeton d'une famille jadis haut placée trouvât du moins quelque appui dans mon obscur attachement, et que l'amitié ne lui manquât pas comme la fortune. La population romaine, accoutumée aux étrangers, leur sert de frères et de sœurs. Madame de Beaumont a laissé sur ce sol hospitalier aux morts un pieux souvenir, on se la rappelle encore. J'ai vu Léon XII prier à son tombeau. En 1828, je visitais le monument de celle qui fut l'âme d'une société évanouie. Le bruit de mes pas autour de ce monument muet, dans une église solitaire, m'était une admonition. « Je t'aimerai toujours, dit l'épitaphe grecque, mais toi, chez les morts, ne bois pas, je t'en prie, à cette coupe qui te ferait oublier tes anciens amis. » Si l'on rapportait à l'échelle des événements publics les calamités d'une vie privée, ces calamités devraient à peine occuper un mot dans des mémoires. Qui n'a perdu un ami? Qui ne l'a vu mourir? Qui n'aurait à retracer une pareille scène de deuil? La réflexion est juste. Cependant, personne ne s'est corrigé de raconter ses propres aventures. Sur le vaisseau qui les emporte, les matelots ont une famille à terre qui les intéresse et dont ils s'entretiennent mutuellement. Chaque homme renferme en soi un monde à part, étranger aux lois et aux destinées générales des siècles. C'est d'ailleurs une erreur de croire que les révolutions, les accidents renommés, les catastrophes retentissantes soient les fastes uniques de notre nature. Nous travaillons tous, un à un, à la chaîne de l'histoire commune, et c'est de toutes ces existences individuelles que se compose l'univers humain aux yeux de Dieu. En assemblant des regrets autour des cendres de Madame de Beaumont, je ne fais que déposer sur un tombeau les couronnes qui lui étaient destinées. Lettre de M. Chênedollé. Vous ne vous doutez pas, mon cher et malheureux ami, de toute la part que je prends à votre affliction. Ma douleur n'est pas aussi grande que la vôtre, parce que cela n'est pas possible. Mais je suis bien profondément affligée de cette perte, et elle vient noircir encore cette vie qui, depuis longtemps, n'est plus que de la souffrance pour moi. Ainsi donc passe et s'efface de dessus la terre tout ce qu'il y a de bon, d'aimable et de sensible. Mon pauvre ami, dépêchez-vous de repasser en France. Venez chercher quelque consolation auprès de votre vieux ami. Vous savez si je vous aime. Venez. J'étais dans la plus grande inquiétude sur vous. Il y avait plus de 3 mois que je n'avais reçu de vos nouvelles, et 3 de mes lettres sont restées sans réponse. Les avez-vous reçues? Madame de Caux a cessé tout à coup de m'écrire il y a 2 mois. Cela m'a causé une peine mortelle, et cependant je crois n'avoir aucun tort à me reprocher envers elle. Mais quoi qu'elle fasse, elle ne pourra m'ôter l'amitié tendre et respectueuse que je lui ai vouée pour la vie. Fontane et Joubert ont aussi cessé de m'écrire. Ainsi, tout ce que j'aimais semble s'être réuni pour m'oublier à la fois. Ne m'oubliez pas, ô vous, mon bon ami, et que sur cette terre de larmes, il me reste encore un cœur sur lequel je puisse compter. Adieu, je vous embrasse en pleurant. Soyez sûr, mon bon ami, que je sens votre perte comme on doit la sentir. 23 novembre 1803. Lettre de M. de Fontane. Je partage tous vos regrets, mon cher ami. Je sens la douleur de votre situation. Mourir si jeune, et après avoir survécu à toute sa famille. Mais du moins, cette intéressante et malheureuse femme n'aura pas manqué des secours et des souvenirs de l'amitié. Sa mémoire vivra dans des cœurs dignes d'elle. J'ai fait passer à M. de la Luzerne la touchante relation qui lui était destinée. Le vieux Saint-Germain, domestique de votre ami, s'est chargé de la porter. Ce bon serviteur m'a fait pleurer en me parlant de sa maîtresse. Je lui ai dit qu'il avait un legs de 10 000 francs, mais il ne s'en est pas occupé un seul moment. S'il était possible de parler d'affaires dans de si lugubres circonstances, je vous dirais qu'il était bien naturel de vous donner au moins l'usufruit d'un bien qui doit passer à des collatéraux éloignés et presque inconnus. J'approuve votre conduite. Je connais votre délicatesse. Mais je ne puis avoir pour mon ami le même désintéressement qu'il a pour lui-même. J'avoue que cet oubli m'étonne et m'afflige. Madame de Beaumont, sur son lit de mort, vous a parlé avec l'éloquence du dernier adieu, de l'avenir et de votre destinée. Sa voix doit avoir plus de force que la mienne. Mais vous a-t-elle conseillé de renoncer à 8 ou 10 000 francs d'appointements lorsque votre carrière était débarrassée des premières épines? Pourriez-vous précipiter, mon cher ami, une démarche aussi importante? Vous ne doutez pas du grand plaisir que j'aurai à vous revoir. Si je ne consultais que mon propre bonheur, je vous dirais « Venez tout à l'heure ». Mais vos intérêts me sont aussi chers que les miens. et je ne vois pas des ressources assez prochaines pour vous dédommager des avantages que vous perdez volontairement. Je sais que votre talent, votre nom et le travail ne vous laisseront jamais à la merci des premiers besoins. Mais je vois là plus de gloire que de fortune. Votre éducation, vos habitudes veulent un peu de dépenses. La renommée ne suffit pas seule aux choses de la vie, et cette misérable science du pot-au-feu est à la tête de toutes les autres quand on veut vivre indépendant et tranquille. J'espère toujours que rien ne vous déterminera à chercher la fortune chez les étrangers. Eh, mon ami, soyez sûr qu'après les premières caresses, ils valent encore moins que les compatriotes. Si votre amie mourante a fait toutes ces réflexions, ces derniers moments ont dû être un peu troublés. Mais j'espère qu'au pied de sa tombe, vous trouverez des leçons et des lumières supérieures à toutes celles que les amis qui vous restent pourraient vous donner. Cette aimable femme vous aimait, elle vous conseillera bien. Sa mémoire et votre cœur vous guideront sûrement. Je ne suis plus en peine si vous les écoutez tous deux. Adieu, mon cher ami, je vous embrasse tendrement. Monsieur Necker m'écrivit la seule lettre que j'ai jamais reçue de lui. J'avais été témoin de la joie de la cour lors du renvoi de ce ministre, dont les honnêtes opinions contribuèrent au renversement de la monarchie. Il avait été collègue de Monsieur de Montmorin. Monsieur Necker allait bientôt mourir au lieu d'où sa lettre était datée. N'ayant pas alors auprès de lui Madame de Staël, il trouva quelques larmes pour l'amie de sa fille. Lettre de Monsieur Necker. Ma fille, monsieur, en se mettant en route pour l'Allemagne, m'a prié d'ouvrir les paquets d'un grand volume qui pourrait lui être adressé, afin de juger s'il valait la peine de les lui faire parvenir par la poste. C'est le motif qui m'instruit avant elle de la mort de Madame de Beaumont. Je lui ai envoyé, monsieur, votre lettre à Francfort, d'où elle sera probablement transmise plus loin, et peut-être à Weimar ou à Berlin. Ne soyez donc pas surpris, monsieur, si vous ne recevez pas la réponse de Madame de Staël aussitôt que vous avez droit de l'attendre. Vous êtes bien sûr, monsieur, de la douleur qu'éprouvera Madame de Staël en apprenant la perte d'une amie dont je lui ai toujours entendu parler avec un profond sentiment. Je m'associe à sa peine, je m'associe à la vôtre, monsieur, et j'ai une part à moi en particulier lorsque je songe au malheureux sort de toute la famille de mon ami, monsieur de Montmorin. Je vois, monsieur, que vous êtes sur le point de quitter Rome pour retourner en France. Je souhaite que vous preniez votre route par Genève, où je vais passer l'hiver. Je serai très empressé à vous faire les honneurs d'une ville où vous êtes déjà connu de réputation. Mais où ne l'êtes-vous pas, monsieur ? Votre dernier ouvrage, étincelant de beautés incomparables, est entre les mains de tous ceux qui aiment à lire. J'ai l'honneur de vous présenter, monsieur, les assurances et l'hommage des sentiments les plus distingués. Necker, Copé, le 27 novembre 1803. Lettre de Madame de Staël. Francfort, ce 3 décembre 1803. Ah mon Dieu, my dear Francis, de quelle douleur je suis saisie en recevant votre lettre. Déjà hier, cette affreuse nouvelle était tombée sur moi par les gazettes, et votre déchirant récit vient la graver pour jamais en lettres de sang dans mon cœur. Pouvez-vous me parler d'opinions différentes sur la religion, sur les prêtres ? Est-ce qu'il y a deux opinions quand il n'y a qu'un sentiment ? Je n'ai lu votre récit qu'à travers les plus douloureuses larmes. My dear Francis, rappelez-vous le temps où vous vous sentiez le plus d'amitié pour moi. N'oubliez pas surtout celui où tout mon cœur était attiré vers vous, et dites-vous que ces sentiments plus tendres, plus profonds que jamais, sont au fond de mon âme pour vous. J'aimais, j'admirais le caractère de Madame de Beaumont. Je n'en connais point de plus généreux, de plus reconnaissant, de plus passionnément sensible. Depuis que je suis entrée dans le monde, je n'avais jamais cessé d'avoir des rapports avec elle, et je sentais toujours qu'au milieu même de quelques diversités, je tenais à elle par toutes les racines. Mon cher Francis, donnez-moi une place dans votre vie. Je vous admire, je vous aime, j'aimais celle que vous regrettez, je suis une amie dévouée, je serai pour vous une sœur. Plus que jamais, je dois respecter vos opinions. Mathieu, qui les a été un ange pour moi dans la dernière peine que je viens d'éprouver. Donnez-moi une nouvelle raison de les ménager. Faites que je vous sois utile ou agréable de quelque manière. Vous a-t-on écrit que j'avais été exilé à 40 lieues de Paris ? J'ai pris ce moment pour faire le tour de l'Allemagne. Mais au printemps, je serai revenu à Paris même, si mon exil est fini, ou auprès de Paris, ou à Genève. Faites que, de quelque manière, nous nous réunissions. Est-ce que vous ne sentez pas que mon esprit et mon âme entendent la vôtre ? Et ne sentez-vous pas en quoi que nous nous ressemblons à travers les différences ? M. de Humboldt m'avait écrit, il y a quelques jours, une lettre où il me parlait de votre ouvrage avec une admiration qui doit vous flatter dans un homme et de son mérite et de son opinion. Mais que vais-je vous parler de vos succès dans un tel moment ? Cependant, elle les aimait, ces succès. Elle y attachait sa gloire. Continuez de rendre illustre celui qu'elle a tant aimé. Adieu, mon cher François. Je vous écrirai de Weimar, en Saxe. Répondez-moi là, chez messieurs Desport, banquiers, que dans votre récit il y a des mots déchirants. Et cette résolution de garder la pauvre Saint-Germain, vous l'amènerez une fois dans ma maison. Adieu, tendrement, douloureusement adieu, N. de Staël. Cette lettre empressée, affectueusement rapide, écrite par une femme illustre, me causa un redoublement d'attendrissement. Madame de Beaumont aurait été bien heureuse dans ce moment si le ciel lui eût permis de renaître. Mais nos attachements, qui se font entendre des morts, n'ont pas le pouvoir de les délivrer. Quand Lazare se leva de la tombe, il avait les pieds et les mains liés avec des bandes et le visage enveloppé d'un suaire. Or, l'amitié ne saurait dire comme le Christ à Marthe et à Marie, « Déliez-le et le laissez aller. » Ils sont passés aussi, mes consolateurs, et ils me demandent pour eux les regrets qu'ils donnaient à une autre.